Ensuite, Allah Ta'ala dit, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى. C'est-à-dire, aura la réussite celui qui s'est purifié. C'est-à-dire, il dit, Cheikh Sa'di, قَدْ فَازَ وَرَبِحَ مَنْ طَهَّرَ نَفْسَهُ وَنَقَّاهَا مِنَ الشِّرْكِ وَالظُّلْمِ وَمَسَاوِئِ الْأَخْلَاقِ. C'est-à-dire, il a réussi. Il a le succès, celui qui a purifié son âme et qui l'a nettoyé de l'associationnisme et de l'injustice et des mauvais comportements. Ne sois pas leurré par le fait que le mauvais comportement ne sort pas de la salafia. Ne laisse pas Shaitan te leurrer par le fait que le mauvais comportement ne te sort pas de la salafia. Le mauvais comportement est la deuxième chose la plus lourde dans la balance de l'hasanat. Le bon comportement est la description de ton prophète, alayhi salatu wassalam, de ton modèle et de ton exemple. Il a une importance immense dans notre religion. Et le bon comportement pour l'acquérir à travers l'ilm, mais surtout avec la fréquentation des gens avec un bon comportement, notamment al-ulama, et en t'éloignant des gens avec des mauvais comportements. Éloigne-toi des personnes qui sont vulgaires, des personnes qui parlent mal. Fais leur nasiha et aide-les si tu peux, mais ne les laisse pas t'influencer, car l'être humain, ou bien il influence, ou bien il s'influence. Si tu vois que tu es faible, et qu'en restant avec des gens qui parlent mal, qui sont vulgaires, ou là qui ont des choses qui font partie des mauvais comportements, et tu n'arrives pas à les aider à changer, alors préserve-toi, car se préserver, rien ne le vaut. Et rien n'égale le fait de se préserver. فإن العافية لا يعدلها شيئا كما دين النووي رحمه الله.